Très tôt, yeah. Ce matin je suis debout vraiment très tôt. J'ai réchauffé la pièce, tu peux faire dodo. Et comme tu doutes encore, je vais te consoler. J'ai modifié la déco. Pour l'occasion j'ai modifié la déco. Toutes tes larmes ont matifié mes défauts. T'es celle avec qui je me sens le plus beau, bébé. Et si je fais tout ça, non, c'est pour que tu comprennes que ton âme est prête, que ton âme veut partager ce qui coule dans ses veines avec toi. Et si je fais tout ça, nana, tu sais ce que je veux, mamie, yeah. Tu sais ce qu'il manque à nos vies, yeah. Bébé, j'ai les épaules. Trop longtemps qu'on est ensemble, yeah. On s'adore autant qu'on se ressemble. Ça y est, moi je suis prêt, on peut y aller. Donne-le-moi, donne-le-moi. Savoir à qui il va ressembler. Je t'en supplie, donne-moi mon bébé. Donne-le-moi, donne-le-moi. Yeah, donne-le-moi, yeah. Donne-le-moi, yeah. Oh, donne-le-moi, yeah. Donne-le-moi, yeah. Ouh, un peu plus de place, yeah, yeah. On fera un peu plus de place, yeah. Bouge pas, je m'en charge, yeah. Apprends à te reposer, yeah. Pendant 9 mois tu ne feras rien. Je prendrai soin des tiens. Ouais, de la sape on va en racheter. Même enceinte tu dois être classe, ouais. Mamie dans la place, c'est ton dos, je saurai masser. Bah oui, notre enfant ça sera quelqu'un. Le plus important pour un homme, c'est de donner la meilleure vie à sa famille. De veiller même quand tout le monde est endormi. Ce monde est si petit devant vos sourires. Moi j'ai su épouser une jeune. Mes enfants vivront bien, je peux m'absenter. Le monde a besoin de moi, je dois aller le changer. Ouh, et je sais que t'as les épaules. Je sais que t'as les épaules. Bébé, j'ai les épaules. Trop longtemps qu'on est ensemble. On s'adore autant qu'on se ressemble. Ça y est, moi je suis prêt, on peut y aller. Donne-le-moi, donne-le-moi. Trop longtemps qu'on est ensemble. Je veux savoir à qui il va ressembler. Je t'en supplie, donne-moi mon. Donne-le-moi.